Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 95. On est vendredi matin, le 11 mars. Le printemps arrive, quoique c'est la tempête de neige. En fin de semaine, à ce qui paraît, ah là là, on va-tu s'en sortir? Seigneur! Mais c'est pas grave, là, on est au mois de mars et puis on avance l'heure samedi, c'est très bien. Et puis samedi aussi, ben c'est plate avancer l'heure, hein, mais dites-vous là que c'est pour le mieux. Là. Il va faire clair plus tard, puis ça réchauffe le cœur. Et puis c'est le fun samedi aussi, le 12, c'est la fin du passeport vaccinal. Hein? On n'a plus besoin, personne, de se faire chier avec ça. Et puis, pour les bars, on va revenir à capacité maximale possible. Et puis, on ne sera pas forcé de fermer à 1h du matin. Donc, on revient à la vraie vie des bars, là, comme avant. La seule chose qui va rester, c'est les masques à l'intérieur. Donc, si vous venez chez Arcade MTL, c'est comme au restaurant, là, t'sais. Une fois assis à la table, t'enlèves ton masque. Ou installé à une de nos arcades, t'enlèves ton masque, mais si tu te déplaces pour aller aux toilettes, te chercher une bière ou whatever, ben faut que tu le remettes. Fait que c'est ça, puis on va garder les plexiglas entre les arcades aussi, parce que vu qu'on n'a pas des tables, puis que les arcades sont toutes collées ensemble, le plexiglas fait que vous pouvez enlever votre masque une fois aux arcades, dans le fond. Il sert de masque entre les gens. Alors cela devra rester. Par contre, j'ai pas re-vérifié, mais je pense que il y a des questions que les masques partent partout, sauf dans les transports en commun, à la mi-avril, quelque chose comme ça. Alors, à la mi-avril, ça va être genre comme avant, tu sais. J'ai de la misère à croire que tout va être comme avant puis qu'il va juste rester des masques dans le transport en commun. Moi, je prends le transport en commun 2 fois par jour, alors ça me gosse. Surtout parce que j'ai des lunettes, la buée, tout ça, c'est une masque, faut pas que j'oublie mon masque. J'suis tanné de ça. Mais bon, j'imagine que effectivement les transports en commun, tout le monde cordé là-dedans, sont la place où est-ce qu'il reste le plus de COVID. Mais c'est ça, donc ça s'en vient, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors j'espère que le bar va se remplir de plus en plus, puis avec ça, puis qu'on va revenir vraiment comme avant. Ah, je sais pas, je viens d'arriver, là. J'ai une grosse journée, je pense pas que ce show-là va être très long, j'ai pas tant de sujets à couvrir, mais on a enregistré Rétro Nouveau mercredi, donc c'était finalement notre 200e épisode, parce qu'on voulait le faire, mais là on n'était pas prêt, fait qu'on a inventé un épisode spécial Retour du WEG, là on n'était pas prêt encore, on a fait un autre épisode spécial, tout, puis là c'est Chris, la COVID est arrivée alors qu'on était prêt à faire le show. Puis le 200e, le vrai, la COVID est arrivée, ça nous a comme coupé bien raide. Fait que là, là on revient, on est tous dans le rush, tu sais, il y avait la relâche, on n'était pas là, puis tout ça. Tu sais, on peut pas repousser ça encore ou inventer un autre show qui n'est pas notre 200e encore. Tu sais, il faut crever l'abcès. Fait que là, il est fait, on a fait notre 200e. On a eu une longue discussion en début de show sur des souvenirs. On s'est remémoré des souvenirs de Rétro Nouveau. On a montré un peu du footage de plusieurs places où est-ce que le show a eu lieu, les premières apparitions de Mario, Nick Lachapelle, Ben Gagnon, l'apparition, le feature de Nick Chalifou et tout ça. Donc, on avait des critiques de gros jeux aussi, Infernax, Elden Ring. Voyons, c'est quoi l'autre gros jeu, là? J'étais encore fatigué, j'ai de la misère à m'en remettre. En tout cas, des grosses critiques, et puis on a répondu aux questions des Patreons. On a mangé des Doritos du marché Bonichois à Neveu à Laverlochère, et puis on a bu de la bière de microbrasserie Pixel, et puis tout ça, là, ça m'a comme coupé mon envie de déjeuner jeudi matin, et puis c'est parfait comme ça. Mais c'est ça, j'ai recommencé le hockey mardi, donc mardi, je finis ma game de hockey sur glace à 11h30, puis man, là, c'est ça, je m'endors à 1h30 du matin. Et puis avec Rétro Nouveau, le show a duré 3 heures, pareil. Fait que couché encore à minuit. Puis là, il est jeudi. Là, j'étais fatigué. Je me suis couché à 9h30 hier soir. Je me suis endormi immédiatement. J'étais vidé. Fait que là, c'est ça. Là, je prends mon café. Là, ça va me redonner un coup. Puis on va être bon pour partir. Ah. Donc, oui, j'ai pas fait d'épisode dernièrement. Je suis parti une semaine complète, presque complète, dans un chalet, dans la petite municipalité de Piopolis, mesdames et messieurs. Ça, Piopolis, c'est autour du lac Mégantic. C'est ça le nom du lac? En tout cas, la ville la plus proche, c'est lac Mégantic. C'est Mégantic, donc c'est à peu près à 3 heures de Montréal. Et puis, c'était le fun parce que... Moi, j'ai étudié au cégep à Sherbrooke, puis quand j'étudiais à Sherbrooke, des fois, on prenait mon char, j'ai un char dans ce temps-là, fidèle Chevrolet Cavalier 1990, et puis on montait à Montréal, là, passait la fin de semaine, crasher chez du monde, faire le party, puis on revenait. Fait que comme la route de Montréal à Sherbrooke, tu sais, comme en a... Souvent, avec les enfants, on va aux zoos de Granby, on est allé à Granby, tout ça, le plus... Magog, tu sais, mais jamais, on va jamais jusqu'à Sherbrooke puis faire ça. Mais moi, à Sherbrooke, tu sais, j'ai gravité beaucoup là-dedans. Fait que là, ça me faisait drôle de faire la route, tu sais. J'étais plein de flashbacks. Oh my god, ah oh oui, le feeling de rouler à une place que t'as faite plusieurs fois puis ça fait genre 10 ans, whatever, que t'as pas passé, tu sais. C'était vraiment plaisant comme feeling. Fait que c'est ça, je redéfaisais comme un stretch. Puis là, à East Angus, on passait dans East Angus. Et puis moi, dans mon temps, East Angus, la shop de pâte et papier là-bas, ça puait que le Christ empestait Sherbrooke au grand complet. Et puis là, on passe direct à côté de l'usine, dans le smog de l'usine, dedans carrément. Et puis, ça sent rien. Fait que je sais pas si c'est parce que quand ils font du papier brun, ça pue, mais du papier blanc, ça pue pas, ou je sais pas quoi, mais ça sentait rien. Fait que on a été chanceux sur les batchs de papier où ils ont changé leur processus, et puis à cette heure, ça fait que ça pue, mais c'était quand même drôle de passer par là. Donc, on allait dans un chalet, un gros chalet, avec trois autres familles, et puis c'est ça, toutes des familles de quatre, donc deux parents, deux enfants, ça faisait beaucoup de monde. Mais c'était vraiment le fun parce que nos enfants sont tous des amis, fait que y en a des plus petits, puis il y en a d'autres un peu plus vieux, puis ils ont tous à peu près le même âge, tu sais, il y avait pas de bébé. T'sais, le plus jeune était mon plus jeune à moi qui a pas petit, quel âge qu'il a, non? 7 ans. Je suis perdu dans l'âge de mes enfants. Voyons. Un peu. Non, il y a 9 ans, que dis-je? My God, stie, le temps passe donc bien vite. Il y a 9 ans. Puis les autres sont tous en secondaire 2, là, genre. Fait que c'est ça, donc ils s'entendent bien. Et puis nous autres, les parents, on était en haut, et puis on mangeait des chips, on buvait de la bière, puis on était heureux. Et puis on était sur le lac, en arrière il y avait le lac, on s'est gratté une patinoire pour jouer au hockey avec les kids. On a fait une longue glissade là, pour les traîneaux et tout ça. Puis, il y avait une petite station de ski aussi, ski alpin, ski de fond, raquettes, pêche sur glace, non loin de là, sur le lac aussi, mais comme plus loin autour du lac. Donc, on est allé là deux journées, une fois pour le ski de fond, une autre fois pour soit du ski alpin ou ceux qui ne voulaient pas faire de ski alpin, ben la pêche sur glace. Moi, je me suis transformé en moniteur de ski alpin pour les plus petits. Je suis zéro là, spécialiste de ski alpin, mais j'en avais déjà fait. Fait que c'était suffisant pour que je traîne les jeunes. Mais non, ça m'est revenu, là, c'est pas pire. C'est bizarre le ski alpin, hein? Dans mon temps, les skis alpins, là, ils étaient long, puis tout. Puis à cette heure, ils sont comme plus courts. Le devant, il était très rond, puis on n'avait pas de bâton. Comme pas de bâton, c'est pas nécessaire. Comme OK, ben on s'est dit que qu'on allait pas prendre de bâton, alors pour pas. J'imagine quand t'es petit pis tu commences à des bâtons pis tout ça, c'est comme un bordel un peu, mais les petits, ils allaient pas de bâton, puis ils faisaient du chasse-neige, puis ils s'organisaient, fait que ça marchait. Fait que pas de bâton, je trouvais ça spécial. Mais ça a bien été, sérieux. C'était. Ça faisait longtemps que j'ai jamais eu de ski, mais moi j'ai fait du snowboard à la place, mais tu sais, le ski, ça, t'oublies pas ça, c'est comme le basic. Puis ceux qui sont allés à la pêche, ils ont rien pêché malheureusement, même pas une prise, même pas une mordée, comme rien. La mort sous le lac, ça c'était un peu plat. Ah, mais on a essayé des affaires, on a essayé de se droguer aussi, on n'a pas réussi. On avait des sprays de voyons. Ah, excusez, je suis pas réveillé, pas en tout là. Des sprays de weed là, de cannabis, de la SQDC. Fait que moi j'ai essayé un push, une shot. Là, c'est pas moi qui l'ai acheté, j'ai aucune idée, là, c'était quoi la force, le THC. C'était du THC, mais c'est tout ce que je sais, là, tu sais. Fait que ça a eu zéro effet. Le lendemain, on a essayé deux shots. Tu sais, je vais y aller tranquillement, là, je suis vieux, moi, là. Ça n'a rien fait. On avait aussi un genre de cocktail, c'est comme une bouteille, c'est un drink, là, tu bois ça. Et puis, ça n'a rien fait. Fait qu'on n'a pas réussi à avoir un effet quelconque de ces genres de produits-là. Donc, c'est vraiment pas fort, là. Peut-être il aurait fallu prendre ces produits-là, mais d'une coche au-dessus, je sais pas quoi. Mais on n'a pas réussi. Fait que, coudonc, ça sera ça. Mais c'était quand même drôle. Peut-être comme, ça te fait-tu quelque chose? Hein? Non, hein, toi? Non, non. Toi, OK, bon, all right. Mais, ouais. Donc, on a trouvé ça bien drôle, mais sinon, c'était ça. C'était juste le fun de se lever. Le matin, il y avait du déjeuner, mais tu sais, on se faisait des gros repas, tout le monde. Mais sinon, dans le jour, c'était bien chill, tu sais. Fait que pas de plan. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas. Bon, on met nos sauts, on sort dehors, on va jouer en arrière, on gratte, on pelte et on joue, puis on rentre, on prend un spa, et puis on sauve une bière, puis ça a été ça, puis les jeunes, ils jouaient, puis non, c'était, ça, on a vraiment décroché, puis c'était long, on est parti samedi, puis on est revenu vendredi, fait que on a couché là plusieurs soirs, là, c'était pas juste trois nuits, là, tu sais, donc on sait pas, putain, Fred vient d'arriver, là. Il avait pas dit qu'il venait, il vient de passer. Bon, on n'avait pas dit qu'il... je devrais l'inviter pour parler de mon prochain sujet de tantôt. Mais c'est ça, il n'y a pas eu de chicane ni rien, donc c'était super sweet. Ça fait vraiment du bien de sortir de la maison pendant si longtemps que ça. Donc j'ai eu bien du plaisir. Là-bas, j'ai pas gamé ben. J'avais amené ma Switch, mais c'était plus pour les jeunes. Sinon, j'ai fini Jay and Silent Bob Mall Brawl sur Switch, qui est un beat'em up très NES. Hein? Puis je pense que quand Limited Run avait sorti ça, il avait fait une version NES aussi. Ben, je pense pas, je suis sûr, parce qu'on a joué avec des amis à la cassette NES de ça chez nous. Et puis, c'est super le fun, t'sais, c'est pas deep là, du tout. Et puis, c'est vraiment là, quasiment juste du button mashing puis bien se positionner dans l'écran. Mais moi, je connais pas cette franchise-là de Jay and Silent Bob parce que j'ai jamais vu les films. Je sais que ça existe, je connais les personnages de vue. Mais le jeu, il est rempli là, de lore là, du film. Apparemment, alors ça saura vous satisfaire si vous aimez ça. Et puis, seule affaire que je trouvais plate, c'est ça, c'est que... Il y a un move que, comme à Double Dragon, quand tu punches un gars, à un moment donné, il est comme chambranlant, tu sais. Puis là, tu peux le pogner par la tête, puis donner des coups ou le lancer. Mais là-dedans, les ennemis sont tellement tout le temps sur toi que tu n'arrives jamais à bien saisir quand est-ce que le bonhomme est stun. Puis quand tu joues tout seul, tu sais, tu n'as pas le temps. Tu n'as jamais le temps de faire ça. Fait que ça, tu fais juste puncher puis sauter, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, le jeu, il joue super bien. Il y a un petit dash, là, puis tout, des attaques spéciales. Donc, des petites sections... de racing un peu à la Turbo Tunnel de Battletoads, tu sais, puis des jokes. Donc, non, c'est un très cool petit jeu. J'ai eu bien du fun avec ça. Fait que c'était mes vacances. Et puis, donc, j'ai pas enregistré pendant ce temps-là. Puis, voilà, donc, si vous voulez un peu plus de nous, de moi, écoutez Rétro Nouveau qu'on a publié hier. C'est disponible, tout est sur retronouveau.ca, puis il y aura cet épisode-ci. Mais c'est ça, cet épisode-ci, je vais faire ça quand même pas trop long. J'ai pas tant de sujets, j'étais en vacances, tu sais, puis je suis revenu, puis là je travaille, puis là c'est les impôts, youhou! Donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais surtout parler de l'arrivée des jeux graded, des jeux... ça serait quoi le français de graded? Je vais regarder. Parce qu'à un moment donné, on va mettre ça sur notre site, puis il va falloir le dire comme il faut. Des jeux notés, hein? French to English, graded, ouais. Des jeux certifiés, des jeux avec des notes, ben je sais pas quoi. On va dire, je vais des jeux gradés. Je vais dire gradés, OK, pour aujourd'hui. C'est probablement pas la bonne chose, mais je vais dire ça, ça va être plus simple. Gradé ou graded. Donc, oui, Retro MTL a des jeux graded de chez Wata. Vous avez vu l'annonce cette semaine, sûrement. Ben, l'annonce, c'est on n'a pas mis les jeux en inventaire, mais on en a reçu, puis je voulais teaser ça, fait que j'ai fait un petit post. Donc, on a envoyé des jeux chez Wata se faire certifier. Ah, c'est la certification, hein, ça serait ça? Ouais. Se faire certifier. quand? Je vais regarder la facture. Parce que moi, j'étais un gars propre Et puis, dans mes papiers, et puis j'ai des factures de tout, parce que de toute façon, c'est moi qui s'occupe de ça. Order, ici, envoyé le 9 novembre 2020. On a envoyé le 9 novembre 2020 des jeux se faire certifier chez Wata, et on les a reçus cette semaine. Donc, ça aurait pris très long. Et puis, c'est aussi parce qu'on avait choisi le service économique, tu sais. Puis là, j'ai pas revérifié chez Wata, mais je pense pas qu'ils offrent... je pense qu'ils offrent plus ce service-là parce que tout le monde utilisait ça. Et puis, ils ont eu un backlog incroyable. Fait que c'est pour ça que ça a été si long. Donc, si vous envoyez des choses se faire certifier chez Wata, je vous recommande de prendre les services, de payer pour que ça aille plus vite, là. Puis même si vous payez pour que ça aille plus vite, ça va sûrement quand même prendre 6 mois encore. Donc, c'est très long. Il ne faut pas se surprendre de ça. Donc, là, on a envoyé ça chez Wata parce qu'on avait des jeux GameCube scellés qu'on a reçus. Et puis, là, faut-tu que je vous explique tout ça, en fait? Le marché. Je peux essayer de faire un résumé vite, là. Des jeux, je vais vous en montrer un ici, Animal Crossing au GameCube. Donc, la tendance, il y a une tendance d'envoyer, quand on les jeux qui sont encore scellés, des jeux qui n'ont jamais été déballés, qui sont comme s'ils sortaient de l'usine, vous pouvez les envoyer, se faire certifier chez des compagnies comme Wata ou VGA. C'est-tu VGA le nom officiel? Je veux juste être sûr. CGA. VGA, c'est ça. Donc, VGA, VGA, c'est bon, Wata, VGA. Donc, c'est les deux plus gros, VGA fait ça depuis longtemps. Bref, vous avez des jeux scellés, vous pouvez les envoyer, se faire certifier chez ces compagnies-là. C'est comme des compagnies qui... C'est comme pour les cartes de hockey ou les cartes Pokémon, ces affaires-là. Eux autres, ils mettent ça dans un plastique de même. Et puis, comme une carte de hockey, puis ils donnent une note, ils disent ce que c'est, et puis une valeur est attribuée. Puis ça booste la valeur de ça sur le marché de ceux qui veulent bien en acheter. Donc, c'était en gros, c'est pas mal ça. Et puis, c'est quand même nouveau ce phénomène-là dans les jeux vidéo pour la monnaie, les thèmes, I guess, ou les cartes. Ça se fait depuis longtemps. Tôt ou tard, ça allait venir dans les jeux vidéo aussi, et c'est arrivé. Là, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie Wata, il y a eu une vidéo YouTube qui est sortie là-dessus et que tout le monde a vu, et que j'en ai parlé ici aussi d'ailleurs. Et puis, allez le voir. C'est quoi le nom du gars? Attends un peu. Jobst. Je vais juste trouver. Exposing fraud and deception in a retro video game. Carl Jobst, J-O-B-S-T, vidéo sur Wata, qui a publié le 1er décembre 2021. Donc, allez voir ça pour voir le scandale derrière. Comment est-ce que Wata a moussé le marché des jeux certifiés comme ça à leur propre fin pour booster la valeur de ça, pour que eux ils en vendent, tu sais. Puis c'est ça. Puis donc, ils ont fait ça avec la Auction House Héritage. Il y a du monde qui sont aux deux places, tu sais. C'est comme shady, tout ça, là, tu sais. Puis les vidéos, il est très clean par rapport à ça. Je veux dire, il explique tout à 100%. Ça demeure quand même une vidéo YouTube faite par un dude. Et puis, mais c'est très legit et puis c'est très bien fait. Et puis, le CEO podcast, Pat Country, dont on vend les livres ici, on n'en a plus présentement. Il faudra en recommander, on attend un petit peu encore. Et eux, bien sûr, ils abondent dans ce sens-là, dénoncent ça. Donc, suite à la sortie de cette vidéo-là, il y a eu un très gros comme backlash de dénonciation de Wata parce qu'ils ont manipulé le marché, t'sais. Or, nous, on a envoyé ces jeux-là se faire grader avant ça. Cela dit, cela est arrivé. Puis, tu sais, nous... Puis là, je vais parler au nom de Retro MTL, je pense. J'ai pas consulté Fred et Joe personnellement. Ils m'ont pas dit quoi dire ou j'essaye pas de parler à leur place, mais je me dis, si on le fait, c'est qu'ils sont d'accord avec c'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est que Oui, cette vidéo-là dénonce des choses. Par contre, c'est la manipulation qui a été faite par Wata et les gens et les dessous de tout ça. Est-ce que c'est illégal? Est-ce que c'est quoi le degré là-dedans? T'sais? Est-ce que ces gens-là, ils ont des accusations criminelles? Ces gens-là sont-ils en prison? Y a-tu, t'sais? Fait que c'est comme des gens qui ont réussi à faire une passe, t'sais, pour booster le marché en leur faveur. T'sais. Moi, je le vois un peu de même. Mais bon, il y a des gens qui sont très fâchés de ça parce que ils accusent Wata de salir le hobby. Ils accusent Wata de, à cause de ça, à cause de la montée en popularité des jeux gradés et tout, ça fait que les jeux sont plus chers aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de raccourcis qui se font directement liés à ce vidéo YouTube-là. Et puis, c'est ça, il y a des gens très en colère de ça, des gens de la communauté, tu sais, et puis qui n'en reviennent pas. Et tout ça. Donc, vous comprendrez que quand on a mis les jeux Wata sur notre page, bon, il y a eu quelques commentaires, là, mais quand même tranquille. Ça l'a plus explosé sur le groupe Facebook du CCJVQ. Si vous êtes là-dessus, vous pouvez aller voir le thread. Je vais juste voir, il est à combien de commentaires maintenant. C'est, ça a roulé toute la semaine, ce post-là. CCJVQ, je vais aller voir. Non, il y a sûrement quelqu'un qui a commenté encore, fait qu'il doit pas être loin du top, j'imagine. Tiens, on est rendu à 404 commentaires. Erreur 404. Donc, voyons voir les commentaires les plus récents. C'est-tu du nouveau? Là là. Ah, ça l'arrête pas, hein. Parce que c'est des commentaires. Le monde se répond, puis tout. Je vous dis, ça allume bien du monde, ce sujet-là. Donc, la question était surtout, est-ce que RetroMTL est condamnable, tu sais, d'offrir des produits Wata? En ce qui nous concerne, puis encore une fois, je parle de mon point de vue, mais I guess que mes collègues l'endosent parce qu'on a décidé de faire ça pareil. Nous, le marché du jeu certifié, on le voit comme incontournable, tu sais. Ça l'arrive, ça. Ça s'en vient, tu sais. Ça va avoir lieu. Et puis, que vous aimiez ça ou non, les jeux graded, les jeux certifiés, ça va avoir lieu, tu sais. Ça l'arrive. Il y a un marché de ça. Puis la preuve, c'est qu'on a acheté deux autres jeux cette semaine gradés. Les gens commencent à nous en proposer. Donc, nous, en tant que propriétaire et entrepreneur en étant dans le monde du jeu rétro, c'est un marché qu'on va explorer, tu sais. Et puis, il faut faire attention, là. On a été accusé d'avoir perdu notre passion d'avoir perdu notre passion du hobby, tu sais, pour le profit, tu sais, tout pour faire une pièce. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Si notre but n'était que de faire du profit, chez RetroMTL, ici, il y aurait des faux Pokémon, des bootlegs, et puis plein de cochonneries même de AliExpress qu'on payerait 5$ puis qu'on vendrait 50$. Il y aurait 1000 affaires de même, là, tu sais, comme il y aurait des affaires pas clean pour le hobby. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas, tu sais. Puis on fera pas ça, nous. Parce qu'on est passionné là-dedans, puis parce qu'on collectionne encore, puis on vit là-dedans, tu sais. On est tout le temps là-dedans. Nous, on aime pas ça, tu sais, les faussetés, tu sais. Parce que les faussetés, tu sais, ça trompe le monde, et puis il y a de la confusion. Puis, tu sais, c'est tannant, là. Les gens, ils savent pas, là, différencier les jeux Game Boy Advance. Il y a plein de monde qui se font fourrer avec ça. Fait que ça, ça pose problème. Mais les jeux certifiés comme ça, c'est des vrais jeux, c'est des vrais systèmes de collection, et il y a une demande pour ça, et il y a un réel marché. Fait que ça existe, tu sais. Ça, là, nous autres, on fait ça, puis on est rendu là. Puis les autres boutiques vont certainement emboîter le pas lorsque ça viendra vers elles, et puis tant mieux, tu sais. Mais je veux dire, un moment donné aussi, nous autres, on va vendre des toutous, là, sûrement, là, des t-shirts, des tasses à café, tu sais, comme le GameStop, je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas de place. À un moment donné, ça va venir. C'est un marché, ça aussi, tu sais, la merch. Donc, oui, on vend des jeux vidéo rétro, C'est notre marché principal, mais on vend aussi des jeux neufs. Ça, c'est un autre marché. Les jeux certifiés comme ça, c'est un autre marché. C'est toutes des affaires qui se complètent. T'sais. Ça complète notre offre. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Puis, je pense que le marché est rendu là. T'sais. Puis, le fait qu'il y ait comme un soulèvement, puis tellement de par rapport à ça, que c'est ça. Il y a des gens qui disent Chris, c'est quoi ces jeux-là qui valent 500, 1000, 2000, 5000 dans une boîte de plastique? Ben, c'est ça. C'est des systèmes de collection. Puis, je pense que qu'on soit les premiers à l'offrir. La première boutique, on s'entend, hein? Il y a dans la revente, je veux dire, il y en a partout de ça, mais à ce que je sache, j'ai pas vu d'autres boutiques pour l'instant afficher des jeux certifiés dans leur inventaire, puis ça viendra, et comme je le dis, tant mieux, faites-le, tu sais. Mais qu'on le fasse si tôt, tu sais, c'est normal qu'il y ait comme le monde est comme what the fuck, tu sais, c'est très nouveau pour bien du monde. Fait que c'est ça. Donc là, c'est ça, l'argumentation est, est-ce que RetroMTL est condamnable de faire, de vendre des jeux certifiés Wata, vu qu'ils ont manipulé le marché et puis qu'ils ont fait des passes de même qui sont croches, tu sais. Là, je dis croche, hein, parce que je pourrais dire illégal ou criminel, je pourrais dire ça, mais je suis pas mieux placé que quiconque condamne Wata pour dire ça. Je rappelle que c'est une vidéo YouTube. Je rappelle qu'il n'y a aucune accusation criminelle qui semble avoir été portée. En tout cas, il n'y a personne de ces gens-là en prison. Et si toi, personne qui habite à Trois-Rivières, sais que, tu sais, comme, c'est pas correct, je le sais, moi, je le sais, là, que c'est illégal, ça. C'est comme, toi, tu le sais, tu sais, puis le monde entier, là-bas, les gens, les autorités locales, les marchés, tu sais, ils sauraient pas, eux autres, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va très vite de condamner ça. Puis, d'après la vidéo, c'est comme, oui, ça semble être vraiment pas fair, là, comme façon de booster le marché. Mais ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vois ça comme juste de même. Là, Wata, ils ont réussi à faire ça. Ils ont explosé le marché. Et puis, leurs produits sont très en demande. Et puis, ça l'a complètement éclipsé VGA, complètement, qui était là bien avant Wata, en passant. Donc, Wata, c'est un peu le Flash McQueen, là. C'est excitant, tu sais, le monde aime ça, puis tout ça. Mais bon, il y a eu de la polémique. Donc, moi, cette polémique-là, je suis comme, alright, c'est arrivé. En même temps, je trouve pas que ça nuit tant que ça à mon hobby. En fait, pas du tout. Parce que je crois que les jeux certifiés et les jeux que le monde achète et les jeux qu'on a en magasin, c'est deux affaires, deux mondes totalement différents. Et puis, les gens qui vont acheter des jeux comme ça ne sont pas nécessairement les gens qui vont acheter beaucoup d'autres jeux, tu sais. Donc, c'est comme un autre marché, tu sais. C'est très différent, la demande de ça. Et puis, c'est ça. Donc, nous, on ne condamne pas Wata, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, oui, ces jeux-là, on les a envoyés avant la polémique. Mais si on en envoie d'autres, et puis on va probablement le faire éventuellement, je vais le faire aussi personnellement. J'ai vraiment envie de le faire, mais je me retiens parce que j'ai peur un peu d'envoyer mon Stadium Events de Fire Grader. Je vais l'envoyer chez Wata. Là. Je vais l'envoyer à la compagnie qui offre comme des produits les plus populaires. T'sais, je serais bien content de pas le faire. T'sais. Je serais bien content de pas le faire parce que moi, ce qu'ils ont fait, t'sais, je m'en crisse un peu, t'sais, tu comprends? Je me crisse pas du hobby, je me crisse pas tout ça, mais je condamne pas ces gens, j'accuse pas ces gens-là d'avoir comme détruit un hobby puis d'être des criminels, là, t'sais. Fait que moi, comme ce qu'ils ont fait, t'sais, les gens qui sont les plus réactifs par rapport à ça, ils condamnent ça au même level que si, genre, on a encouragé un réseau de prostitution, là, ou que Wata engageait des enfants dans des sweatshops, ou bien qu'ils piquaient du monde pour qu'ils. c'est là, le level de frénésie des gens qui sont en tabarnak contre Wata, tu sais. C'est pas raisonnable, tu sais. Donc, nous, notre raison est que c'est arrivé, c'est ça qui est ça, et puis, il y a pas. C'est pas vraiment condamnable, tu sais, je veux dire, c'est comme. OK, ça semble louche et pas fair, mais ça s'arrête là. T'sais. Donc, pour l'avenir, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui est bon de faire? C'est de vendre les produits les plus en demande. T'sais. Et alors, on va y aller avec Wata et c'est tout. T'sais. C'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'on les condamne pas au même level t'sais, que ceux-là qui sont en guerre contre ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc? C'est comme, excusez, c'est décousu, là. J'ai encore une fois, je suis tout seul à parler, fait que c'est dur de, de me relancer la balle. Mais quand j'ai oublié. Mais c'est ça. Donc, c'est tout, là. T'sais, nous autres, on a exploré ce marché-là. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Et puis, ça va pas mourir, là. Puis, les jeux, tu sais, ça fait très, très longtemps qu'on j'entends que le rétro, ça peut pas continuer de monter. Les marchés du rétro, ça peut pas continuer d'aller de main. Ça peut pas continuer. Ça va pas. Guys, c'est juste ça que ça fait monter. La vie, ça ne fait que monter. La pandémie explose tout ça encore. Certainement qu'il y a des affaires qui ont été comme survoltées. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Path of Radiance au GameCube, que ça bougeait d'un 100$ de différentiel de mois en mois quasiment. On ne sait plus là où se situer. Mais les jeux GameCube, par exemple, justement, ils ont hyper monté. Là, ils ont redescendu un peu, mais Chris, il y a un plateau qui a été pogné. Là. Ça reviendra pas comme avant. Les maisons. Ils reviendront pas à 200 000$. Les maisons, esti, à Montréal, ben c'est 800 000$, tu sais. Puis c'est ça, à cette heure. Les jeux vidéo, là, le jeu, esti, à 100$ que tu voulais, là, ton Little Samson que tu voulais pas acheter à 1000$, là, ben il vient de s'en vendre un, esti, 4000$, là. Fait que, puis ça va pas arrêter, ça. Fait que, arrêtez, là, t'sais, comme calmez-vous, là, avec le prix des jeux. Le monde, ils sont comme des victimes, tu sais. Moi, c'est ça qui m'écœure là-dedans. Le monde dit à cause de Wata, à cette heure, je suis plus capable d'acheter de jeu. Dude, tu sais, comme ton raccourci, là, il marche pas pendant tout, là. C'est deux univers, tu sais. Puis, blâme la pandémie, surtout présentement, tu sais. La pandémie a jumpé tous les marchés. Le fucking bois, man. Le plombier, tout le monde, tout est plus cher, tout est plus cher. Mais c'est fou raide, là, présentement, là, tu sais. Mais le fucking bacon n'est pas achetable, présentement. 8$, c'est un paquet de bacon. Le beurre, man, ça coûte une fortune, là. Tu veux faire des biscuits à maison, c'est comme... Calisse, t'es obligé de faire des biscuits à margarine. Le beurre est rendu un prix de fou. C'est pas des jokes, là. Fait que calmez-vous le Wata, là. La vie gravite pas autour de Wata, tu sais. Donc, c'est ça, là. C'est ça qui se passe, là-dedans. Donc, c'est ça. Puis moi, au niveau personnel, par rapport à tout ça, j'ai quand même surveillé cette publication-là sur le CCJVQ, tu sais, qui est quand même... qui s'est quand même bien passé. La plupart du monde, tu sais, sont comme... Ben, ils explorent un nouveau marché, c'est normal. D'autres sont comme, ben, moi, Wata, je suis pas d'accord avec ça, mais s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent. Et puis, il y en a, d'abord, j'achèterai plus là si les autres font ça. Les autres, je m'en crisse. C'est comme, c'est bien correct, tout ça. T'sais, comme, pensez ce que vous voulez. Mais, tu sais, c'est les attaques au niveau de l'intégrité, là. Tu sais, moi, j'ai un peu plus de misère avec ça. Puis, il y a des gens qui sont en croisade, là, tu sais, contre Retro NTL, contre moi personnellement. Et puis, c'est là que ça dérape, là, tu sais. Parce que la discussion de 404 commentaires, somme toute, elle est quand même très positive. Et pas tant contre Retro NTL, tu sais, même si je trouve que cette publication-là voulait, à l'origine, peut-être être une genre de chasse aux sorcières. Puis que ça n'a pas viré dans le sens de qu'on était 100% condamné par tout le monde. Puis ça, je crois que c'est parce que, Dieu merci, les gens constatent qu'on fait bien notre travail, qu'on est des vrais passionnés, qui ont bâti cette business-là par passion et qu'on continue de le faire en fonction du marché des passionnés, même si c'est pas notre marché principal, tu comprends? Les collectionneurs... du CCJVQ, c'est pas notre marché, tu sais. Nous, notre marché, c'est monsieur, madame, tout le monde, en très grande majorité, qui viennent acheter du rétro, tout ça, qui vivent des choses, tu sais. Tu sais, on nous condamne de profiter, d'être des profiteurs parce qu'on a des jeux certifiés. Pourtant, on vend pas nos Mario Kart le double du prix. Comme à bien des places ailleurs, pas nécessairement au Québec ou au Canada ou whatever. Moi, nous ici, on paye du monde à temps plein. Là. Puis pas des ados de 16 ans là, en job d'été. Là. Du monde à temps plein à un salaire pour nettoyer les jeux, pour que quand vous les achetez dans votre collection, ça soit propre, tu sais. Nous, on enlève tous les collants, tu sais, les disques, puis tout ça, sauf quand c'est pratiquement impossible, ça arrive peu. On prend le temps de les enlever, même sur des Madden 2002 au PlayStation, tu sais. Fait que, parce que nous autres, moi, quand j'achète des jeux, j'aime ça quand ils sont propres, tu sais. Puis moi, dans ma collection, j'aime ça quand c'est propre. Fait que nous, notre vision d'une boutique, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est notre vision, c'est ce qu'on veut, tu sais. On offre des fucking foam pour mettre dans le fond des boîtes NES. On a trouvé un contact qui nous en a produit des milliers. Parce que moi, ça me dérange en maudit quand j'achète un jeu NES en boîte puis qu'il n'y a pas le foam dedans puis que la cassette elle descend en creux dans la boîte. Tu sais, là, ça? Bon, ben, tu sais, moi, j'adresse ça. Puis là, on se met pas riche sur les foam NES, hein? Ça coûte... On perd de l'argent à gérer ça versus le prix qu'on vend les foam, là. On s'entend, là. Puis, mais on offre ça. Parce que, Chris, c'est ça, c'est de la collection, tu sais, c'est de la passion. Donc, les gens, ils sont vite à jumper sur le gun, pour nous condamner pour des jeux certifiés par une compagnie qui a réussi à booster un marché de façon légale ou non, personne ne le sait exactement. Mais après ça, ça ferme les yeux, genre, sur tous les efforts qu'on fait ici, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, quand je vois ça, je trouve pas que c'est fair, tu sais. Quand je vois ça, tu sais, comme, on fait tout ça, mais cette petite chose-là, il y a des gens qui sont peut-être, peuvent être pas d'accord avec ça, alors il y a des gens qui condamnent, qui vont tout de suite sur la grosse affaire, puis qui font fi de tout ce qu'on fait d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça enlève tout le beau qu'on fait, tu sais, comme cette petite affaire-là. Ah, j'ai trouvé la faille de Retro MTL, ils ont fait faire affaire avec Wata, c'est de la merde Retro MTL, tu comprends ce que je veux dire? Moi, derrière ça, je vois un jugement, tu sais, parce que si quelqu'un était 100% passif, tu sais, puis il regarde en toute logique, tu sais, les choses qui sont faites, c'est comme, ouais, bon, ok, tu sais, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, mais moi, je vois comme une passion de c'est ça, tu sais, c'est pas, en tout cas, voilà. Mais bref, oui, il y a des gens qui sont comme plus intenses par rapport à ça. Fait que j'ai checké ça pas mal cette semaine. Mais la réponse était bonne. Puis de toute façon, peu importe, nous autres, on va de l'avant. Comme je l'ai dit, on va continuer d'envoyer des jeux soit chez Wata ou VGA si les occasions se présentent. En passant, on a eu beaucoup de jeux sealed au cours des années. Et puis, on les gardait de côté. On se demandait, on les envoie-tu? Parce que là, ça faisait Chris, quasiment 2 ans qu'on n'avait pas reçu nos jeux. On commençait à être frileux, là, tu sais. Mais là, on les a reçus. Fait que, peut-être qu'on va en envoyer d'autres. Peut-être qu'on va envoyer chez VGA, je sais pas. On verra. Mais finalement, les jeux sealed, on les a mis en vente. Et puis, ils sont tous partis. Ils sont partis chez qui? Des gens qui vont les envoyer chez Wata, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, quand on a fait cette annonce-là de nos jeux de chez Wata, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du monde qui nous ont écrit pour nous vendre des jeux gradés Wata. Fait que là, on en a acheté 2 autres parce que ça venait d'un lot aussi. Un très beau lot Switch en passant, comme beaucoup de jeux Switch, puis des très beaux à part de ça. Et puis la personne avait 2 jeux gradés, fait qu'on s'est entendu, on les a pris. Puis quand on a fait l'annonce des jeux gradés Wata, le monde nous a écrit combien, on peut-tu faire un trade, puis tout ça. Donc ces jeux-là, probablement qu'on n'aura même pas le temps de les mettre en ligne, qui vont déjà être passés en trade contre des lots ou autre chose, hein. Il y a un marché, là. Ça se passe, là. Hein? Les affaires se passent. Donc, je pense qu'on en parle beaucoup de ça, parce que c'est ça, c'est nouveau, et puis ça vient d'arriver, puis ça prend le monde par surprise un peu. Mais d'ici quelques années, tu sais, on va se retourner, puis on va regarder, mettons, cette publication-là sur CGVQ, on va dire, Chris, c'est qu'on capotait, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est juste qu'on est au début de ça. C'est du nouveau, et puis le nouveau fait peur à bien du monde, et puis, ce scandale-là, ô combien condamné par les chevaliers blancs de la collection, on verra bien qu'est-ce que ça donne, mais Wata va pas fermer une main à cause de ça, je vous le garantis. Wata va certainement continuer à être dans le top des compagnies qui font de la certification, sinon la compagnie au top, tu sais. Fait que, à suivre, mais c'est ma prédiction. Donc, je vais vous les montrer, les jeux. Donc, ici, on a Animal Crossing, Player's Choice, US. Puis c'est tout écrit en haut, ouais. Donc, avec une note de 9.4 et un sealed de A. Donc, je pense que toutes les notes qui sont au-dessus de genre 9.9 ou 9 en montant, c'est bien. Mais je m'y connais pas beaucoup en passant. Hein. Puis le A, il y a des A, il y a des A+, puis il y a des A++. Mais là, c'est ça. Encore comme la vidéo le dit, c'est des humains, tu sais, qui gradent ça. Puis des fois, il y a des gens qui envoient des affaires gradées avec une note. Ils l'ont reçue. Ils étaient insatisfaits de la note. Ils ont ouvert le case. Ils ont renvoyé le même jeu se faire grader. Le même jeu est revenu avec une meilleure note. Tu sais, c'est ça. C'est des humains là-bas. Donc, c'est pas une science exacte. Donc, c'est ça. Mais il faut vivre avec. Puis, c'est the name of the game, man. Donc, Player's Choice, Animal Crossing au GameCube avec la petite carte inclue dedans. Mais vous pourrez jamais l'avoir, la petite carte. Parce que là-dedans, pour toujours! Tu sais, il y a des gens qui disent ça aussi. Les jeux, c'est fait pour être joué! Ben, oui, c'est bien certain. Mais quand on pose qu'il y a eu, je trouvais ça très drôle. Collectionneur de thèmes, tu sais. Les thèmes, c'est fait pour être posté! Collectionneur de monnaie. La monnaie, c'est faite pour être dépensée! Tu sais, c'est Chris, ça n'a pas rapport, là. Ça a zéro rapport. Puis, tu sais, je veux dire, je prends un exemple. Si, mettons, moi, mettons, demain, là, je trouve Castlevania X. Castlevania Dracula X au GameCube. Ouais, voyons, au Super NES Sealed. Tu sais. Puis, je décide de l'acheter à un particulier au prix qu'il le demande. Puis là, j'ai ça entre les mains, puis il est super beau. Mettons, je l'ai payé Sealed. Mettons, je l'ai payé 2000$. Puis là, je l'envoie chez Wata, se faire grader. Je le reçois, il y a une bonne note et tout. Puis là, cet item-là, soudainement, en étudiant le marché, il peut valoir 5000. Ben, c'est merveilleux, ça. Moi, j'ai pas volé de l'argent à personne. Là. Moi, j'ai attaqué personne là, dans ce processus-là, tu sais. Fait que ça m'appartient, si je fais ça, d'avoir quelque chose qui vaut cher. Des fois aussi, je pense que les gens, ils sont envieux, tu sais. Et puis, je vais pas dire jaloux, parce que je trouve que ces deux termes qui se ressemblent, des fois le monde s'accuse, hein, c'est ça, vous blastez RetroMTL parce que t'es jaloux, tu sais. La jalousie, c'est une chose, la jalousie, je trouve ça plus intense que l'envie. La jalousie, ça peut faire commettre des actions graves, et puis je trouve ça hard. Mais on peut être envieux dans la vie, puis là, je suis pas en train de dire que le monde sont envieux de RetroMTL, mais mettons, moi, je suis envieux, tu sais, de bien des choses. Je veux dire, j'ai des gens dans mon entourage, des amis, par exemple, qui ont beaucoup de moyens, tu sais. Puis, crime, j'aimerais ça, moi aussi, des fois, avoir un peu de lousse, puis avoir un gros char, sti, un beau chalet, puis des grosses affaires, un compte en banque fucking rempli, puis pouvoir me payer ce que je veux tout le temps quand ça me dérange pas. Moi, comme tout le monde, c'est normal d'être envieux de des affaires. Par contre, faut pas virer fou. Il faut être capable de voir où est-ce qu'on est là-dedans. T'sais, moi, la personne qui a beaucoup de cash, puis qui travaille, qui a poussé ses affaires, puis qui a acquis tout ce qu'il a, ben ça lui revient, puis il le mérite. T'sais. Moi, ce que j'ai personnellement, ma collection, mes entreprises, tout ça. Je veux dire, j'ai pas volé ça à personne. Là. Je me suis botté le cul, puis je l'ai fait, puis ça m'appartient. Par contre, tu sais, c'est beaucoup moins. Moi, ce que j'ai maintenant, c'est beaucoup moins que d'autres affaires que je regarde, comme on a que j'ai rien comparé à ce monde-là, tu sais. Puis oui, je suis envieux. Cependant, je fais mon possible, tu sais. Puis si mon possible à moi, c'est d'être capable d'avoir ce que j'ai présentement, ben c'est ça. Je peux pas chialer, tu sais. Moi, ça s'arrête là. Il y a des gens qui ont des forces importantes, puis cela les amène plus loin, tu sais, ou qui ont eu des bonnes idées ou quoi que ce soit. Tout est une question de travail, et puis jusqu'où tu veux te rendre. Fait que tu peux être envieux et dire, Colin, j'aimerais ça avoir du cash, tu sais, mais tu peux pas comme être jaloux de quelqu'un qui a du cash si toi tu fournis pas l'effort. Puis si tu fournis l'effort, tu seras pas jaloux parce que tu vas dire, crime, ben j'ai des beaux acquis, puis moi je me suis rendu là à cause de l'effort que j'ai mis, puis de la personne que je suis, tu sais. Fait que voilà. Tu sais, moi, je ne deviendrai pas riche parce que j'ai une bonne idée ou je développe une business. J'ai-tu, moi, d'informatique ou j'étais un broker de stock, là, tu sais. Je n'ai pas les facultés de me promener dans ces marchés-là. Tu sais, il y a certainement des façons de faire de l'argent dans la vie qui sont beaucoup plus grandes que de vendre des fucking jeux vidéo. J'aimerais ça avoir plus d'argent, comme tout le monde, en passant. Mais moi, c'est ça que j'aime faire, puis ça, je le pousse à fond, puis ça m'amène à ce degré d'argent-là, puis c'est ça que j'ai, puis c'est ça que je suis, puis voilà, tu sais. Fait que c'est tout. C'est normal d'être envieux, mais je pense que l'envie, ou pousser à l'extrême la jalousie, ça n'existe pas quand, dans la vie, tu fais les efforts pour avoir des choses. T'sais. C'est ça qui est ça. Si tu es assis chez vous et tu fais jamais rien, tu es comme. Tu chiales contre le monde qui a du cash, ou le monde qui réussit, ou le monde qui s'exprime, ou le monde, tu sais. Puis toi, tu fais rien, ben. C'est pas fair pour ceux qui travaillent, tu sais. C'est ça que je dirais. Mais bon, y a des gens qui vivent des injustices dans la vie, j'imagine. Il y a des gens qui peuvent être aigris de des situations qui n'ont pas digéré ou quoi que ce soit. Puis, ben, ça, il faut le régler. Et puis, on vit toutes des choses. Et puis, si vous avez des choses à régler, consultez, tu sais. Ou commencez par vous rendre compte que vous avez des choses à régler. Et puis, allez consulter, puis régler vos choses. Vous allez être heureux, tu sais. Moi, j'ai consulté là, plein de fois des psychologues, tu sais. J'ai géré des choses pour essayer de m'aider, tu sais. Puis, m'améliorer. Puis, je veux dire, ça m'aide. Ça aide à rester calme, là, tu sais. Puis, je pense pas qu'il y a d'âge là, pour la façon qu'on se comporte sur Internet, mais là, j'ai 42 ans, puis j'ai acquis une genre de certaine sagesse, si je peux dire, en toute humilité. Là, je suis pas en train de dire que je suis un grand sage, loin de là. D'ailleurs, la preuve est que je réponds à des gens sur Internet alors que je devrais pas. Mais tu sais, il y a des affaires qui me fâchent plus dans la vie, puis il y a des affaires comme... d'autres chats à fouetter, là, tu sais. Je veux dire, ma vie est tellement plus complète que, genre, aller me faire chier avec ça, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, à un moment donné, tu tournes la page, là. J'ai quitté bien des groupes Facebook où, comme, je laisse aller bien des affaires, là, rien que pour avoir une certaine paix mentale parce que, tu sais, ça vient épuisant, tout ça, là. Donc, je m'en vais avec ça, je sais pas. C'est la philosophie à deux scènes, puis ça fait déjà 45 minutes que je parle, tu vois. Fait que finalement, ça va être un long show. C'est ça que je voulais dire par rapport à la jalousie puis l'envie, tu sais. Mais là, je suis pas en train de dire que tout le monde est envieux. Tu sais, je suis pas en train de me victimiser là, là-dedans. Je fais juste parler de même, tu sais. On vit toutes des affaires, puis that's it, là, tu sais. Mais on a tous des envies, là. Puis on aime tous avoir de l'argent. Hein? Oui, l'argent, d'envie, ça en prend. Puis moi, j'aime particulièrement comme me sentir en sécurité avec l'argent. Cela dit, je ne ferais pas n'importe quoi pour de l'argent, vraiment pas. J'essaie d'être économe, de placer mes affaires et de checker mes shit parce que j'ai besoin de cette sécurité-là, moi, parce que j'ai peur de mourir dans la rue, parce que j'ai aucune sécurité et je n'ai jamais eu, tu sais. Fait que moi, c'est comme mon réflexe d'essayer de me backer. Chris, je veux que mes affaires, si jamais ça va mal, mes affaires valent quelque chose, tu sais. Tu comprends? Fait que c'est ça, c'est mon réflexe. Mais si je voulais vraiment de l'argent pour de l'argent, si je m'agouillerais des affaires, je ferais n'importe quoi, tu sais, puis c'est ça, là. Moi, je veux pas de l'argent pour de l'argent, tu sais, je veux juste... Ce que j'entreprends, je veux que ça soit profitable, puis il faut que ça le soit, sinon je le ferai pas, tu sais. Enfin, puis il faut, j'ai un certain train de vie à maintenir, soit deux enfants, un char, l'école, tu sais, comme des épiceries à 300$, name it, là, genre des dépenses pour le Plex, tout ça. Même le Plex, tu sais, j'étais en moyen de l'avoir, mais Chris, il me coûte cher, là, ce Plex-là, là. Il m'empêche, tu sais, de bien des choses d'une certaine façon, là, parce que j'ai investi beaucoup de mon argent de roulement là-dedans. Là, on a des rénos à faire, des affaires qui pètent, puis tout ça, les taxes ont jumpé. Tu sais, mes taxes ont jumpé. Là. C'est à cause de Wata, c'est certain. Fait que à cause que Wata a augmenté mes taxes municipales, ben là, je peux pas aller au restaurant ou avoir une compagnie de ménage chez nous comme je le voudrais. T'sais. Alors, c'est tout de la faute de Wata. Fait que c'est ça. Donc, mais au moins Wata a gradé mes jeux. Alors, Animal Crossing. Ici, on a Zelda Wind Waker. Canadien, donc bilingue. 9.2 le grade avec le seal de A. Il y a un autocollant en avant, bilingue aussi, qui dit remboursement accordé avec un reçu à 45 jours. Dadada. Je me demandais si on devait l'enlever. Vous pouvez le voir ici. Finalement, j'ai décidé. On l'a laissé. T'sais. Je pense qu'on aurait pu l'enlever. Ça aurait, excusez, rien changé. Mais habituellement, ce que les gens ils font, ils laissent ces genres d'affaires-là dessus. Ça fait comme plus legit. Moi, personnellement, par contre, si ce jeu-là était un jeu scellé que je gardais dans ma collection, pas gradé, scellé seulement. Je pense que j'aurais enlevé ce collant-là. J'aime vraiment pas les collants sur les jeux. Mais ouais, donc Wind Waker canadien. Et puis ça, c'est notre gros, ça. Metal Gear Solid de Twin Snakes, tout du GameCube hein, en passant, avec un grade de 9.4 et puis pour le Sealed, c'est A+. Mais Player's Choice par contre, encore. Donc ça, les Player's Choice, c'est effectivement moins, je pense, populaire. Alors voilà, c'est trois beaux jeux, c'est bien beau. C'est vraiment plus gros que je pensais. Tu reçois ça, t'es comme, c'est une grosse boîte en plastique, là, c'est le real shit. C'est comme surprenant. Fait que c'est ça. Si vous vous demandez combien on va vendre ces affaires-là, ben c'est ça qui est compliqué. Là. Nous, on est très green dans ce marché-là, puis on a, il existe. Price charting n'est pas un bon outil pour évaluer ça. Nous, on regarde ce qui s'est vendu ou ce qu'il y a à vendre sur eBay. Comme par exemple des. Je vais vous montrer les deux autres qu'on a achetés d'un particulier cette semaine. Ça, c'est vraiment magnifique. Twilight Princess au GameCube. Deux autres GameCube, ça la donne demain. Grade de 9.9 de 9.6, le Sealed A+. Très, très propre. Encore une fois, version canadienne bilingue. On voit le collant ici en arrière. Donc, vraiment, vraiment clean. Et puis, un autre Wind Waker. Celui-là, US. Pas Player's Choice. Note de 9.2 et seal de A+. Cependant, celui-là, il y a un historique apparemment. La personne qui l'a fait grader l'a reçu comme ça. Donc, ça se serait passé chez Wata. Là, vous n'allez pas bien le voir. Mais il y a un genre de graphing ici sur le cover à l'intérieur. Tu sais, comme si le plastique avait été frotté sur une surface. C'est vraiment difficile pour moi de vous le montrer là, à cause des flares de l'éclairage. Et puis le pied du boîtier, il a comme été cassé, on dirait, et recollé, je sais pas quoi. Ce boîtier-là a été malmené, tu sais. Fait que, puis je pense que ça doit avoir été malmené chez Wata, puis ils ont décidé de le shipper de même. Fait que ça, c'est assez dommage, tu sais, puis la personne était bien déçue. Là, ce qu'on peut faire avec ça, on peut sortir le jeu, puis le renvoyer, se faire grader. Peut-être que c'est ça qu'on va faire. Ou on va le vendre comme ça à rabais. On l'a eu à bon prix justement à cause de ces défauts-là. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un que ça va pas déranger vraiment, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas si pire que ça non plus. Là. Ça demeure quand même crissement beau sur une tablette, ça. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est certain que ces affaires-là font qu'il n'y a pas une réelle valeur. Il n'y a pas la 100% de sa valeur, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, pour le pricing de ces choses, le mieux qu'on peut faire maintenant, c'est de regarder ce qu'il y a sur eBay. Le Twilight Princess, me semble, j'avais regardé, je crois avoir vu des ventes finies à genre 800$ avec des bids. Mais pis c'est tout, c'est ventes terminées, c'est des objets achetés. Par contre, il y en a à vendre à genre 2000, je pense même qu'il y en a un à 3000 en buy it now, tu sais. Les vendus sont là, mais l'offre est comme super haute, tu sais. Fait que nous, on se situe où là-dedans? On a une version canadienne, faut pas l'oublier, donc moins hot qu'une version US. Mais si on voulait le mettre sur eBay demain, moi je pense qu'on pourrait le mettre genre 1500 pour undercutter ceux-là qui sont crissement hauts. Par contre, c'est comme le double, tu sais, de la valeur de ceux qui ont été vendus en auction. À voir, tu sais, vous voyez, c'est super difficile. Envoyer un jeu scellé, se faire grader puis il revient, ben ça t'a coûté le prix d'achat du jeu et le prix du grading, ce qui n'est pas si élevé que ça. Fait qu'au final, c'est là que c'est le plus rentable. T'sais. Mais acheter, mettons, un jeu qu'on évalue à 1000$ pour finir à réussir à le vendre à 1003$, c'est peut-être ça qui va arriver. Là, c'est ça qui est difficile avec les transactions de jeux gradés, c'est vraiment de la spéculation, tu sais. Puis on n'a pas d'outils pour calculer, pour trouver la vraie valeur, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui est compliqué. Puis c'est peut-être ça qui peut rebuter les gens à se lancer là-dedans. Mais, tu sais, on peut, nous, on peut se le permettre, puis on a envie de l'essayer un peu, tu sais. Même si j'ai acheté ces affaires-là à un prix, puis que ça dort dans notre boutique pendant longtemps, puis qu'à un moment donné, bon, on le flippe, puis que finalement, on fait juste 200$ avec ça, ben, ça aurait été ça. On aurait essayé l'expérience. Et puis, je pense que c'est très valable de le faire en tant que professionnel des jeux vidéo. Je pense qu'on... moi, je veux qu'on l'essaye, en tout cas. Je veux qu'on s'amuse avec ça. Puis, je trouve ça bien le fun. Puis, fuck, man. Encore une fois, je voulais dire quelque chose. Puis, j'ai oublié. Mais, ah oui, ben tu sais, c'est ça, on parle d'argent, tu sais, puis Retro MTL, ils visent là, le profit, là, sur le dos du monde, tu sais. C'est pas profitable, ben, à mon avis, ça, les jeux gradés. Tu sais, pour nous, c'est bien plus profitable de vendre des Mario Kart, là, puis des Mario Party, puis des Zelda, là, tu sais. Nous autres, notre business est là, c'est là que ça se passe. On se met zéro riche. En se trempant les pieds dans le marché des jeux gradés. Zéro, là. T'sais. Puis peut-être qu'au final, quand on va réussir à vendre tout ça, on va être kiff-kiff, tu sais. Ou peut-être même qu'on va perdre, là. J'en ai aucune idée, là, tu sais. Fait que, on va voir, tu sais. Nous autres, on explore ça pour le fun. On va voir comment le marché réagit. Puis si au Québec, on commence à avoir de la clientèle qui nous en parle, qui nous écrivent par rapport à ça, si d'autres boutiques décident d'en offrir, on peut se faire des trades, tu sais, qui sait, on verra, là, tu sais. Nous, on peut trader ça contre des lots, whatever, on va voir. Puis on nous a offert aussi un Pokémon ODS de Wata qu'on n'a pas racheté finalement, mais... peut-être qu'on devrait relancer la personne. Je ne suis pas sûr qu'on se serait entendu, mais... En tout cas, fait que c'est ça, on a 5 jeux certifiés présentement et puis on est en stand-by pour certains d'entre eux pour de l'échange. Alors, on n'est pas pressé là, de les mettre en vente du tout, puis on fera ça, on n'est pas pressé parce qu'on ne sait pas exactement comment les pricer, t'sais. Fait que c'est plus compliqué, mais ça va venir. Donc voilà, c'est un show complet là-dessus, finalement. Hey! Donc, vous qui écoutez à la maison, vous avez droit à votre opinion. Et puis, si vous voulez condamner Retro MTL à cause de ça, libre à vous de le faire. Nous, on continue d'aller vers l'avant. Et puis, soyez transparents et attaquez pas le monde. Là, c'est ça. Là. Soyez constructifs dans votre argumentation. Et puis, c'est tout. Sinon, j'ai énormément joué à Infernax, donc si vous voulez m'entendre parler de ça, allez écouter Retro Nouveau. J'en ai parlé beaucoup et puis j'ai adoré ça. Là, présentement, j'étais un peu dans le néant, je suis comme fatigué. J'ai commencé The Butcher sur Switch, j'ai pas embarqué tant encore. Shinobi 2 au Game Gear, mesdames et messieurs, je suis rendu à la fin, puis fuck man, la forteresse de la fin est vraiment top. Fait que je suis pas prêt à... Il est pas fini encore, va falloir que je continue de me réchauffer puis à grinder. Donc, mais j'y suis presque. J'ai entamé la deuxième forme du boss de fin. Et puis, mais je suis mort, faut que je refasse tout. Et puis, Tumble Pop au Game Boy, je joue à ça présentement et c'est ça. Donc, surveillez Retro MTL, il y a beaucoup de choses qui rentrent ces temps-ci, puis ça fait du bien. On est en mode achat, hein, on est tout le temps en mode achat, mais là, comme le stock commence à baisser dans notre backlog, il va falloir entamer les 8000 jeux PS2 qui donnent. On a besoin de stock un peu, fait que go, là, vous avez des affaires à vendre, faites-nous signe, nous autres, on est all-in, et puis des belles choses qui s'en viennent pour vrai en inventaire, il y a des affaires qui rentrent. Et puis, Arcade MTL repart. Donc, j'aimerais bien ça faire une soirée, comme je disais, à mes Patreons, avec les Patreons, chez Arcade MTL. Ça serait bien le fun, une petite bière, là, avec la gang. Ça serait pas désagréable du tout. Attendons, par contre, qu'il reste au moins juste le masque, là, on va être plus à l'aise. Donc, c'est ça, c'est à moi de coller l'achat. Mais voilà. Donc, je vais fermer ça. Ça fait une heure déjà. Et puis, c'est bien assez d'attention accordée sur Wata. Fait que, moi, je tourne la page. Et puis, on continue de travailler. Et puis, ce sera tout. Donc, merci à tous qui nous soutenez. Et à ceux qui écoutent mon podcast. Et si mon podcast, encore une fois, je le rappelle, dérange ou vous dérange, vient vous piquer d'une certaine façon. Sachez que, premièrement, c'est non voulu. J'en ai aucune idée de pourquoi ça peut faire ça. Et puis, écoutez-le pas ou écrivez-moi. Comme, tu sais, moi, je suis tout le temps ouvert, hein, toujours. Tu sais, quoi qu'il te gosse, moi, je suis bien ouvert d'en parler. Puis, ça m'aide à m'améliorer aussi, tu sais. Je pense que des fois, je peux avoir un ton tranchant ou que je peux même sonner méprisant. Mais je suis pas une personne qui méprise les autres dans la vie, zéro, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça sort de même, tu sais. Au secondaire, le monde pensait que j'étais bête, tu sais, que j'étais comme hautain, whatever, alors que j'avais juste comme pas d'amis. J'étais tout seul. Peut-être à cause de ça, mais je pense pas, tu sais. Je me mêlais pas tant aux autres non plus. J'avais deux amis, tête, puis c'était tout, tu sais. Mais c'est pas Chris, c'est pas plus qu'il demande que ça, moi, avoir du fun avec le monde, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, si mon podcast dérange, tu sais, comme personnellement, réglez vos choses ou parlez-moi, tu sais, ça va me faire bien plaisir, j'ai zéro problème avec ça. Moi, j'étais un gars du peuple, même si j'en ai pas de l'air, apparemment. Bon, hey, c'est tout, on a des jeux à vendre, j'ai des rapports d'impôts à finir, fait que on va aller faire ça. Hein? Merci d'avoir écouté toute cette diatribe, mesdames et messieurs, et puis on se revoit bientôt.